Maïf. Un conseiller, c'est quoi le rôle d'un conseiller? Vendre à tout prix ou conseiller avant tout? À la Maïf, chaque acte compte. Nos conseillers ne sont pas rémunérés à la commission et n'ont rien à gagner à vous proposer un contrat plutôt qu'un autre. Bref, le seul intérêt qui est en jeu, c'est le vôtre. Maïf, assureur militant. Numéro 1 de la relation client dans le secteur assurance depuis 18 ans. Enquête réalisée par Bearing Point et Kantar fin 2021 auprès de 4000 personnes. Au bord d'une étendue d'eau, au Kenya, au crépuscule. À l'heure où les choses se confondent, le vacarme des hommes et des femmes meurt peu à peu et les oiseaux se taisent. Les animaux diurnes ou nocturnes, assoiffés par la chaleur d'une longue journée, se rencontrent autour du point d'eau. Les mares deviennent des lieux de rassemblement pour un bon nombre d'espèces qui, pendant la journée, étaient plutôt dispersées dans la savane. Oublions un instant les imposants barrissements et les rugissements. Il se joue là, dans l'humidité de la nuit, un tout autre cinéma, un cinéma sonore, délicat, rare. Les sons entendus durant ces nuits sont relativement subtils pour les mammifères, pour des gros mammifères. C'est très étrange. On pourrait se dire, oui, un éléphant qui arrive dans un buisson, c'est comme une boule de billard dans un truc de porcelaine, enfin ça fait tout exploser. Eh ben non, ça passe doucement, on les entend pas marcher, on les entend à peine souffler. Autour d'une mare au Kenya. Quant à l'hippopotame, les seuls sons subtils que j'entendais quand il broutait, en fait, c'était le bruit un peu des dents qui arrachaient la pelouse, quoi. Enfin. Caché dans une tente ou dans un affût, Fernand de Roussin, audio-naturaliste, ou Damien Perrolaz, ingénieur du son, vivent quelques étranges aventures nocturnes pour les besoins d'une exposition ou à la demande des scientifiques. Le point de vue laisse place au point d'écoute des présences animales nocturnes. Elles vont se relayer tout au long de la nuit. Alors vous vous êtes retrouvés autour d'une mare au Kenya. Cette mare, j'y suis allé pour enregistrer la vie nocturne, écouter et enregistrer les animaux qui se succèdent toute la nuit pour venir se désaltérer, s'abreuver après les chaudes journées africaines. J'y suis allé effectivement pour enregistrer les animaux et enregistrer l'activité nocturne. Vous vous rappelez de la première nuit ? Alors je me rappelle très bien de la première nuit parce que je me souviens qu'on avait voyagé deux jours pour rejoindre ce lieu. On s'installe, je descends tout de suite de la Jeep avec mon matériel et je laisse le reste des équipes déballer leurs caméras, s'installer. Les Jeeps sont bien chargés, on a beaucoup de matos dedans. Donc en arrivant, la première chose que je fais, c'est récupérer mes caisses et filer directement à la mare qui se trouve bien en contrebas puisqu'on arrive sur un promontoire, sur une petite vallée en fait. On est en pente, on est vraiment sur une petite colline. Donc il faut déjà ramener tout le matériel jusqu'à la mare, ce qui prend un certain temps et il fait très chaud. Puis réfléchir à maintenant, qu'est-ce qui se passe ici, sans connaître le lieu, sans avoir repéré réellement. Qu'est-ce qui se passe ici et comment je vais m'installer pour essayer d'enregistrer sans perturber les animaux surtout. La disposition du lieu fait qu'il y a un arbre comme ça qui vient passer au-dessus de la mare, comme une espèce d'arche. Je vois tout de suite qu'il est possible d'aller installer, accrocher, faire des accroches de micro au-dessus de la mare, de suspendre donc mon système de prise de son d'ambiance en multicanal pour pouvoir enregistrer tout ce qui va s'y passer, un peu comme si on était dans un dôme. Voilà, j'imagine un peu la mare comme un dôme et de poser mon micro au-dessus de ce dôme et d'essayer de, en espérant trouver la bonne position pour que les animaux ne soient pas dérangés. On écoute un exemple de l'ambiance de la nuit là-bas. L'ambiance reste et restera à peu près toute la nuit sur cette tonalité-là. Donc on a la petite marque qu'on entend avec des poissons-chats à l'intérieur qui viennent... on entend ces espèces de petits mouvements d'eau par moment. On va entendre, je ne sais pas, peut-être à un moment, une sortie de l'eau. On entend les gouttes d'eau, les petites bulles qui sortent. Et puis on entend tout autour les insectes et la vie nocturne. Donc là, effectivement, on entend beaucoup d'animaux, des oiseaux, une sorte de grondement aussi un petit peu en arrière. Il y a sans doute des amphibiens. Et en fait, ça donne vraiment une impression de vie. Je suis Aude Laliste, je suis maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle de Paris et je suis généticienne, donc je fais de la génétique de population sur plusieurs espèces animales, entre autres les rongeurs et les chauves-souris en Afrique. Autour d'un point d'eau, en fait, beaucoup d'espèces animales vont se rejoindre, vont évoluer et elles vont même se succéder un petit peu dans le temps. Moi, pour avoir séjourné et puis campé autour de points d'eau, en fait, le défilé des animaux est constant, n'arrête pas. Et c'est ça qui est assez incroyable parce qu'on peut avoir en début de nuit... les zèbres, puis ensuite les girafes, et puis ensuite on va passer aux prédateurs, donc les lions, les hyènes, et puis ça va défiler comme ça, vraiment par clan, j'ai envie de dire, par clan d'espèces. Et puis on va arriver comme ça jusqu'à la petite, les premières heures de la matinée, la tombée de la nuit, le jour qui apparaît, et puis là ça peut être les gnous par exemple qui vont arriver, et les éléphants. Donc on a vraiment comme ça une succession dans le temps, d'espèces animales qui vont évoluer et qu'on va pouvoir suivre et observer. Il me semble. Et là, tout ce qui est les petites gouttes d'eau, les petits mouvements dans l'eau, voilà. Ça, il y avait une tortue en fait dans cette mare. C'est assez marrant, qui barbotait, qui sortait la tête de l'eau, qui redescendait sous l'eau. Et ces espèces de poissons-chats qui essayaient d'attraper donc les insectes la nuit et puis les oiseaux le jour. Les petits oiseaux, ils sautaient comme ça pour attraper les oiseaux. Ah, voilà. Là, c'est l'arrivée du buffle. On sent quelque chose d'assez massif, avec un souffle assez impressionnant. Bon, à ce moment-là, personne n'avait parlé de buffle encore, donc je me pose la question, est-ce que c'est un éléphant ? Est-ce que c'est une girafe ? On dirait presque un bruitage de film, en fait. Ça a été fait avec des... Et on entend le poisson-chat qui saute. Voilà, c'est ce fameux son de... Enfin, moi, j'ai visualisé une paille, en fait, qui plantait une paille dans la mare et qui l'aspirait. Et on n'entend pas une langue qui l'applaud. On a plutôt l'impression qu'il y a une aspiration. Et on sent l'eau qui coule après dans la gorge. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me posais la question, est-ce que c'est un éléphant ? Les premières personnes vers qui je me suis tourné pour m'aider, c'est forcément les Maasai, puisque qui connaît mieux le territoire qu'eux-mêmes. Et ça a été assez marrant, parce que quand je remettais le casque sur les oreilles, déjà, ils ne sont pas habitués du tout à entendre les animaux avec cette proximité-là et cette texture-là de son. Donc c'était à peu près aussi dérouté que moi au départ. Et ensuite, il y a eu un grand débat qui s'est animé pour savoir quel était l'animal. Et les indices étaient parfois concordants et parfois justement source de conflits. Par exemple, sur le bruit des sabots, le bruit de pas quel animal peut avoir ce son-là, faire ce bruit, ce bruit dans sa démarche. Donc il y a eu l'éléphant qui est ressorti, il y a eu le buffle, il y a eu le lion aussi. Et puis j'ai fait intervenir aussi notre guide pour savoir ce qu'il en pensait. Lui a amené l'idée aussi du buffle assez rapidement. Voilà, donc il a fallu... Moi, j'ai passé ma première journée, en fait, sans savoir exactement à qui j'avais affaire. Les scientifiques sont venus après. Je leur ai fait écouter pour qu'on valide certains animaux. Parce que comme ça se déroule la nuit à l'affût, j'ai pas toujours pu voir les animaux. Donc il fallait valider avec le muséum et les scientifiques quelles espèces étaient présentes au son. puisqu'on n'a pas d'image à ce moment-là. Une vie animale nocturne s'installe peu à peu autour de la mare. Les espèces nocturnes se réveillent et prennent place parmi les espèces diurnes qui ne sont pas encore endormies. Cachés dans les hautes herbes de la savane, des rongeurs, et dans les arbres, des chauves-souris. Un campement au bord du mare, en fait, se justifie par le fait que nous, donc, on va sur le terrain et qu'on a besoin de passer du temps sur le terrain. Du coup, on est au plus proche de la nature et des animaux qu'on va capturer. Donc, on va vraiment s'installer en brousse et on est équipé de tentes. Donc, on va rester 3-4 nuits sur place. On va poser des pièges pour capturer, donc, nous, les rongeurs, ou des filets pour capturer les chauves-souris. Et il y a toute une vie de camp qui s'installe. Donc, on a les tentes pour pouvoir dormir, on a une tente pour pouvoir cuisiner. Et puis la plupart du temps, on est aussi accompagné de guides locaux, donc qui sont là, qui nous accompagnent pour la sécurité, mais aussi pour la logistique. Il y a une espèce particulière dont on pourrait parler autour d'une mare au Kenya ? Moi, je m'intéresse plus particulièrement à un genre de rongeur qui comprend 8 espèces. Et c'est un rongeur intéressant d'un point de vue évidemment biologique, mais surtout d'un point de vue épidémiologique, parce que par exemple, c'est un rongeur qui est réservoir de maladies. Et ces maladies sont transmises aux villageois. Donc on parle de zoonoses, des maladies émergentes infectieuses. Et donc les rongeurs sont, de toute façon, pour la plupart des espèces, sont des grands réservoirs de maladies. Et moi, dans mes recherches, j'ai ciblé ce rongeur qui est le mastomys et qui transmet notamment la fièvre de Lassa. Les maladies passent des animaux à l'homme. C'est ce qu'on appelle par définition des zoonoses. Et donc là, effectivement, la fièvre de Lassa se transmet d'un rongeur qu'on appelle le mastomys à l'homme. C'est vraiment primordial de suivre en fait l'évolution de ces maladies et notamment de s'intéresser à leur transmission et donc de focaliser sur la biodiversité animale puisque au-delà des rongeurs, les chauves-souris et puis d'autres petits mammifères sont des réservoirs et des hôtes de virus qui touchent l'homme et qui sont évidemment quelquefois responsables de diffusion très importante. Et alors, vous capturez les chauves-souris ? En plus de m'intéresser aux rongeurs, je m'intéresse aussi aux chauves-souris. Donc oui, je capture les chauves-souris à l'aide de filets, qu'on appelle des filets japonais, qui sont comme des grands murs voilà, constitués de filets. Et on pose ces filets à la tombée de la nuit, et puis on capture pendant 2-3 heures les chauves-souris, qui ne voient pas forcément le filet, donc ils tombent dans le filet, qui se prennent dans le filet, et on intervient tout de suite pour les libérer, pour les manipuler et faire les prélèvements qui nous intéressent. Et ensuite, on va réouvrir les filets aussi à la levée du jour. C'est là où les chauves-souris sont aussi actives. Quel type de prélèvement ? En fait, quand on va sur le terrain, on a toutes les autorisations pour. Donc, ça va des autorisations de capturer, des autorisations éthiques et des autorisations de pouvoir collecter des individus. Quand je dis collecter des individus, c'est qu'on va, oui, sacrifier un petit nombre d'individus par espèce. Et ces individus vont être autopsiés et on va pouvoir du coup faire des prélèvements intéressants, nous, pour la génétique. On va prélever soit un morceau de foie, soit un morceau de muscle. Sur les chauves-souris, on va aussi prélever le cerveau pour faire des analyses sur tout ce qui est lysavirus, qui sont des virus transmis par certaines chauves-souris. Donc oui, on fait des collectes d'animaux. Ensuite, les spécimens sont ramenés au muséum. Et ils rentrent dans les collections pour avoir une sorte d'inventaire de la biodiversité et de suivi des espèces dans le temps. En fait, les rongeurs ou les chauves-souris appartiennent à un écosystème plus grand qui est constitué de toutes les espèces. Et en fait, vous avez des relations entre les espèces fortes, encore une fois, dans des statuts de proie, prédateurs, mais aussi des fois de cohabitation, de partage de l'espace et du temps. Donc oui, autour d'un point d'eau, vous allez avoir encore une fois une succession de ces animaux qui vont interagir entre eux. On peut vraiment trouver des rongeurs qui vont sortir de leur terrier, qui vont croiser des mangoustes, qui sont venus au point d'eau pour s'alimenter. Et puis en arrière-plan, on peut entendre le rugissement d'un lion qui essaye de venir au point d'eau pour repérer des proies potentielles. Donc il y a une cohabitation, c'est vrai que je parlais d'harmonie parce que c'est vraiment, on a l'impression quelquefois d'être dans un tableau qu'on aurait nous-mêmes peint en mettant les espèces qu'on aime et dont on imagine la présence en Afrique. Oui. Donc la première nuit est certainement celle qui a été pour moi la plus sonore d'un point de vue mammifère. Alors ça a été un petit peu compliqué parce que il faut bien mettre les circonstances en fait de la captation, c'est-à-dire que dans la savane, vous êtes là dans un milieu hostile à l'homme, c'est-à-dire que tous les grands prédateurs suivent les ruminants et donc ils sont présents partout. Il y a des léopards, il y a des lions, des guépards et donc vous êtes en danger en permanence. Donc la nuit. Vous êtes enfermé dans votre tente, des grandes tentes, hein, je vous rassure, c'est pas des petites tentes. Et puis, vous mettez vos microphones dehors en tirant des câbles et vous essayez d'enregistrer ce qui se passe. Donc il faut vraiment prendre ça tout de suite en considération pour pouvoir réaliser des choses la nuit dans la savane. Je m'appelle Fernand de Roussen et je suis audio-naturaliste depuis 30 ans en tant que professionnel. Alors j'étais un peu dans un monde imaginaire durant toutes les nuits. J'ai d'ailleurs très peu dormi, c'est-à-dire que régulièrement, comme j'ai toujours l'oreille à l'affût, je me réveillais quand un lion commençait à gueuler, quand un hippopotame passait à côté, enfin des choses comme ça. Et donc là, vous êtes dans un imaginaire, mais dans la réalité. C'est très étrange comme sensation, c'est-à-dire qu'on entend plein de choses. J'enregistrais au fur et à mesure, je collectais, mais sans voir. Ça, c'est vrai que là, je voyais vraiment avec mes oreilles, quoi. C'était vraiment la seule façon, en fait, de pouvoir témoigner de ce qui se passait durant ces nuits dans la savane. Donc, première nuit, qu'est-ce qui se passe? J'entends des lions. Alors là, je me dis, je suis dans la savane, on est dedans. Je me dis, si c'est toutes les nuits comme ça, ça va être fabuleux, quoi, ça va être incroyable. Mais ça sera la seule nuit où j'entendrai les lions aussi, avec autant de puissance, parce que, en fait, ils avaient tué un zèbre pas très loin de là, et à deux lions, ils se sont partagés durant toute la nuit la carcasse. Et donc, ça donne un peu, ça donne cette ambiance particulière. Voilà, là il y a un zèbre, parce que les zèbres ont bien entendu qu'il y avait un danger derrière. On entend déjà un petit peu les lions au loin. Voilà, donc là, il y a deux lions qui se répondent. Je m'y retrouve là, je suis à nouveau en leur présence. Alors là, je pense qu'il y a, il y a une querelle entre deux individus sur la carcasse. Bon, peut-être pour manger les meilleurs morceaux, mais voilà, il y a un petit insecte qui se met en place. Un peu des battements d'ailes de chauve-souris, une au loin, une hyène. On les entend grogner encore. Alors ça, c'est une action quand même qui se passe à 200-300 mètres de la tente. Hein. J'étais pas tout proche, c'est dommage parce que j'aurais aimé avoir toutes les subtilités de la captation audio-naturaliste. On entend des choses qui bougent. C'est reparti. Ah, puis il y a un zèbre derrière. Voilà, il y a une hyène qui s'y mêle avec. Mmm. Moi, je suis un preneur son, je ne suis pas du tout naturaliste. Et ce que j'entends, je ne l'identifie pas toujours. Mais j'essaie en tout cas de ramener la meilleure matière possible qui puisse être ensuite source d'identification pour ceux qui sont capables de le faire ou qui s'y intéressent. Moi, je m'intéresse vraiment à la matière sonore. Et quand je suis sur le terrain, je peux observer des choses des fois que je n'entends pas aussi. Donc là, dans le cas de la mangouste, c'est vrai que la journée, je l'ai vue passer... C'était en début de soirée, je l'ai vue passer 2-3 fois devant moi, ou boire, elle ne faisait pas de son. Mais après, quand j'ai eu l'enregistrement et que j'ai entendu les hurlements, je ne la voyais pas. Non seulement je ne la vois pas, mais je ne l'entends pas, puisque à ce moment-là, je suis dans l'affût. Il fait nuit, j'ai en face de moi une mare avec une eau... C'est plate, pas d'animaux, juste le petit poisson-chat qu'on a entendu. Et je ne perçois pas encore ces sons, ces hurlements. Je vais les entendre après, au moment de dérocher. C'est une mangouste pas très contente, a priori, qui a dû stresser avec quelque chose. Mais là, il doit y avoir des interactions aussi, ou des stress par rapport à d'autres, la présence d'autres espèces éventuellement. Et donc, c'est un petit peu comme beaucoup d'animaux, hein, quand ils arrivent dans une zone comme ça. Je pense que peut-être aussi un repérage de proie et de... C'est difficile à dire. Ouais, t'es peut-être pas toute seule, en fait, et... Oui, il y en a plusieurs là. Probablement deux. Elles doivent se disputer un peu l'espace là. Je suis Géraldine Véron, je suis professeure au Muséum national d'histoire naturelle et je travaille au sein de l'Institut de systématique évolution biodiversité. Je suis également en charge de conservation de collections, de mammifères particulièrement. Et je travaille principalement sur les carnivores. Mes travaux portent en fait plutôt sur leur évolution, en fait sur les relations de parenté, leur évolution dans l'espace et dans le temps, donc des études qu'on appelle de biogéographie, et on utilise souvent des outils moléculaires en fait aussi pour comprendre la structure des populations ou les relations de parenté entre ces espèces. Un animal solitaire, la mangouste ? Oui, alors cette espèce qui vit sur ces points d'eau au bord du Kenya, la mangouste à queue blanche, est plutôt un animal solitaire. Alors elles peuvent se retrouver à certaines périodes avec d'autres individus, enfin les mâles au moment de la reproduction, évidemment une femelle et ses jeunes. Et surtout dans un environnement où parfois il y a pas mal de proies, elles peuvent quand même se croiser et être assez nombreuses. Mais elles ont un mode de vie quand même plutôt solitaire. Et c'est un animal nocturne. Oui, tout à fait. Même s'il y a beaucoup de mangoustes qui sont diurnes, il y a un groupe de quelques espèces en Afrique qui sont nocturnes, qui sont plutôt de grande taille. Ce sont plutôt des animaux spécialisés sur les rongeurs, la prédation de petits mammifères en général, qui eux-mêmes sont nocturnes. Donc en fait, elles sont aussi adaptées à la période d'activité de leur proie. Mais elles ont dans l'œil quelque chose de caractéristique qui leur permet de vivre aussi la nuit. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est commun à beaucoup de carnivores, voire même à d'autres mammifères. En fait, elles ont ce qu'on appelle un tapetum lucidum. C'est un tapis réfléchissant. En fait, c'est une couche de cellules au fond de la rétine et qui va réfléchir la lumière et qui va permettre en fait à cette lumière très faible la nuit de passer deux fois sur les cellules visuelles. Dans le groupe des mangoustes, il y a des nocturnes, des diurnes qui sont devenus nocturnes, des nocturnes qui sont devenus diurnes au cours de l'évolution. Comment ça s'est passé ? À la faveur probablement d'une grande diversification en Afrique et de l'ouverture des milieux qui a eu lieu, c'est-à-dire moins d'arbres, moins de forêts denses, enfin les forêts sont un peu réduites probablement vers la fin du Miocène. Certains groupes sont devenus plutôt diurnes. D'ailleurs, beaucoup de ces espèces diurnes vont plutôt être des mangoustes à vie sociale, vont avoir un partage des tâches. Certaines vont être là pour... surveiller s'il y a des prédateurs, hein. On connaît ça chez certaines espèces comme les suricates par exemple, mais qui vivent plutôt en Afrique du Sud. Et d'autres vont être plutôt nocturnes Et cette arrivée nocturne, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé. On pense, et il y a vraiment un groupe de ces mangoustes non sociales qui sont, il y a plusieurs espèces qui sont nocturnes et qui probablement, parce qu'elles ont un régime moins insectivore que les autres, plus sur des petites proies, des petits mammifères, des rongeurs, et on sait que ceux-là sont nocturnes en général, vont avoir développé ce mode de vie. Et c'est une manière de se partager l'espace aussi. C'est-à-dire que il y a beaucoup plus d'espèces, par exemple, de mangoustes en Afrique qu'en Asie. Bah, probablement, il a fallu que chacun trouve sa niche. Et trouver sa niche, ça peut être être dans un milieu différent, manger des proies différentes, mais aussi être actif à un moment différent. Comment se passe la jonction entre le jour et la nuit ? Alors, chez les animaux nocturnes, c'est assez fréquent qu'après la période de repos, en début de nuit, elles sortent assez tôt. Donc c'est pour ça que parfois on les dit plutôt crépusculaires, en fait. Elles ne sont pas forcément strictement nocturnes. Pour certaines espèces, elles ont souvent deux pics d'activité. C'est-à-dire qu'elles vont sortir, chercher des proies en début de nuit, se nourrir et parfois se reposer. Souvent, quand on voit, on suit ces animaux, on va trouver ça. Et parfois, en deuxième partie de nuit, éventuellement, il y a aussi, aussi un rythme en fonction des proies aussi, hein, ça va être coordonné avec ça. Mais il y a souvent ça. Donc en fait, elles sont très fréquemment plutôt. C'est pour ça que parfois les gens les voient aussi en fin de journée, parce qu'elles sortent souvent en début de nuit. Donc elles ont des capacités visuelles importantes. Elles ont aussi un odorat très développé. Oui, ce sont des espèces qui ont un bon odorat. En fait, la vie la nuit oblige à développer tous les sens, en fait, hein, parce que la vue est bonne, parce qu'elles peuvent bien voir la nuit, mais malgré tout, leur ouïe et leur odorat vont être cruciaux. Beaucoup aussi d'espèces nocturnes vont avoir des grandes vibrisses, hein, puisque ça permet vraiment d'appréhender son environnement beaucoup mieux quand on est dans la nuit. Ce sont des grands poils développés avec une zone sensitive et qui peuvent détecter à la fois les mouvements en touchant quelque chose, mais parfois aussi en sentant l'air dessus. Et puis évidemment, elles ont un bon odorat parce que leurs proies se cachent, hein, il faut les trouver. Donc quand on se nourrit de petits rongeurs, il faut pouvoir les détecter. Donc elles ont un très bon odorat. Au fil de la nuit, le comportement évolue, change, qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'on sait, c'est qu'elles vont en fait, essayer de trouver des proies. Donc si elles trouvent assez rapidement des proies, elles vont aller se reposer en général, éventuellement ressortir. Et ça va dépendre beaucoup de facteurs aussi environnementaux, de la présence d'autres prédateurs. Ça va dépendre aussi si c'est une nuit de pleine lune ou une nuit noire, s'il y a une grosse pluie. Donc il va y avoir plein de facteurs qui vont jouer sur son activité nocturne. En général, elles passent aussi dans cette période d'activité autour de tout leur territoire. Elles vont le marquer. Donc elles ont des glandes anales et elles sont très développées chez les mangoustes, avec même une poche autour de l'anus qui récolte le produit de ces glandes. Donc c'est vraiment des espèces qui ont cette activité de marquage de territoire important. Et ça va permettre en fait une sorte de communication à distance. On va laisser sa carte d'identité au pourtour du territoire pour dire c'est moi qui habite là et voilà, je suis un mâle, une femelle. Et voilà, ça va permettre qu'un autre individu, quand il passe, puisse savoir qui habite ce territoire et est-ce que je peux passer ou pas. Alors c'est aussi pendant la nuit qu'elles se reproduisent. On ne connaît pas toujours leur mode de vie. Ce qu'on sait en général, c'est que notamment sur cette espèce de mangouste à queue blanche, les territoires des mâles vont plutôt être exclusifs, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres mâles sur le territoire, mais peuvent recouvrir le territoire de plusieurs femelles. Est-ce qu'il y a des systèmes de dominance, par exemple, au sein de ces femelles ? Je crois qu'on ne le sait pas. En général, ce n'est pas forcément le cas. Et souvent, chez les mangoustes, les femelles vont plutôt être intolérantes les unes vis-à-vis des autres. Elles vont avoir effectivement être sur le territoire de ce mâle, mais chacune a son territoire propre. Quels sont les prédateurs des mangoustes ? Les mangoustes vont pouvoir avoir comme prédateurs pour ces espèces nocturnes, mais en fait tous les grands prédateurs qui sont présents. Donc ça peut être la panthère par exemple, ça peut être d'autres espèces de mangoustes pour celles qui sont de plus petite taille ou pour les jeunes par exemple. Et puis après tous les prédateurs qui vont être dans l'environnement, certains rapaces. On sait que pour les mangoustes diurnes, c'est vrai que les oiseaux vont être une part importante de risque de prédation. C'est probablement moins le cas sur des espèces nocturnes. Donc à ce moment-là, j'ai déjà vu un lion, j'ai déjà vu un léopard, qui m'ont beaucoup donné, on va dire. Donc j'ai très très envie d'aller rechercher mes rushs, de pouvoir les écouter, de pouvoir les sécuriser en les mettant sur des disques durs. Les micros laissés au bord de la mare se retrouvent parfois à proximité de lapements énergiques. Mais de quelle espèce s'agit-il ? Un lion, un buffle, un gnou ? C'est le lion, ça, alors. Le lion qui devait boire, en fait. Qui se raclait la gorge après avoir pris une grande quantité d'eau. Nous sommes donc le soir, près d'un hippopoule. Et les hippopotames, avant de sortir de l'eau, se manifestent, se rassemblent, se donnent un peu des nouvelles, comment s'est passée la journée. Enfin bon, c'est aussi de la communication. On est toujours dans la communication, mais à nos oreilles, ça fait plutôt des bruits, ça fait des choses assez étonnantes. Donc, allons se baigner dans un hippopoule. Donc là, on entend bien les souffles, hein. Il y a des grosses basses là, hein. il y a de la puissance, c'est magnifique. Donc c'est le soir là, quand ils commencent à se réveiller pour aller brouter donc sur les berges. Il y a un peu d'animation, il y a les mâles qui tournent autour des femelles, il y a les jeunes qui jouent un peu ensemble. Et puis directement ils nous regardent un petit peu aussi, hein. Ils ont un œil toujours sur la berge pour voir ce qu'on fait. Voilà, ça peut être très très silencieux, puis d'un seul coup, pouf, exploser. Je vais laisser écouter un peu là, la bouche. On dirait presque des petits geysers. Alors la nuit, il y a de ça d'intéressant, c'est que le vent tombe la nuit. Souvent, il y a des vents thermiques sur la savane, comme dans beaucoup de milieux naturels, en montagne, qui commencent à 9-10 heures le matin et qui se terminent vers 18 heures le soir. Et parfois, la journée, c'est très difficile d'enregistrer parce que vous avez ces vents en permanence, il faut tout le temps mettre des bonnettes anti-vent et tout, ou alors il faut être très très proche de la source. Alors que la nuit, tout se révèle, le vent tombe, et alors là, quand il y a un silence total, quand il n'y a pas de traces humaines, puisque là, on n'entend pas du tout de traces humaines, les sons se révèlent, l'espace se révèle, le paysage se révèle. Thank you. y a beaucoup de plans. Oui, oui, là, il y a de la profondeur. C'est assez typique de la savane. Contrairement au monde tropical, qui est enfermé dans un monde vertical d'arbres, de troncs, où tous les sons se répercutent entre les troncs, là, on a de l'espace. Là, on sent vraiment la profondeur de la plaine, de la savane, qui s'étend sur des dizaines de kilomètres. Mais là, on sent vraiment la proximité des clochettes. Alors, j'ai pas le nom des batraciens pour le moment. Et je ne sais même pas si je vais essayer de trouver le nom. Franchement, ça m'importe peu, là. Je dirais, c'est tellement beau, simplement, à écouter. Avec une prise qui se balade de gauche à droite de nos oreilles, qui flatte beaucoup nos tympans. Oui, oui, là, pour le coup, là, c'est le hasard de la position, parce que c'est vrai que les hippopotames sont très à droite, ce que j'entends. Voilà. Et puis les clochettes un peu autour. Et puis il y a un autre plan à la moitié, entre les deux, avec d'autres batraciens et des insectes. Je vous rappelle que je suis dans mon lit, là. Quand vous êtes dans la savane, il y a des endroits où il faut vraiment faire très attention de pas déranger les populations. Mais n'empêche que n'importe où vous allez, il faut bien savoir où vous allez, parce que de nuit, les milieux changent. Dans la savane, il y a autre chose, et ça, j'ai appris quand j'ai commencé à aller, c'est qu'il y a pas seulement les serpentologues qui cherchent les grenouilles, mais il y a aussi des animaux qui sont actifs de nuit. Et là, il y a des choses très dangereuses. Les plus dangereux, c'est les buffles, on le croirait pas. Et puis, les hippopotames, parce que les hippopotames, à l'envers des grenouilles, ils sortent de nuit de la mare et ils se promènent pour manger. Et un hippopotame, c'est dangereux. Mais autant que de jour, bon, on les regarde respectueusement dans l'eau. De nuit, apparemment, quand on les rencontre, il faut faire très attention. Ça veut dire que vous savez où vous allez et vous cherchez des endroits, par exemple, où vous avez des berges, où vous pouvez rentrer facilement dans la mare, etc. Parce que vous voulez avoir différents accès, parce que les grenouilles que vous cherchez, parfois ils sont par terre, parfois ils flottent dans l'eau, parfois ils sont dans des branches ou dans des roseaux. Et vous attendez, vous les entendez venir parce que vous restez un peu en retrait, parce que vous voulez pas les déranger avant les avoir trouvés. Alors vous restez dehors, vous attendez, vous comptez. Et, parce que bon, il y a ceux qui chantent, mais aussi ceux qui chantent pas. Je m'appelle Anne-Marie Oller et je suis professeure au muséum, au jardin de plantes. Et ma spécialité, c'est la batracologie, ça veut dire l'étude des amphibiens, des grenouilles, des tritons. Et il y a un troisième groupe qui sont les gymnophiones. C'est des sortes de... C'est ni des serpents ni des vers de terre, mais ça ressemble à ça. C'est un autre groupe de vertébrés sans pattes qui vivent dans les tropiques. Et alors là, vous pouvez tomber sur cette fameuse... grenouille démascarée? Oui, si vous marchez dans le chemin autour de la mare, parce qu'elle peut être assise quelque part pour chasser, ou vous tomber sur un groupe de mâles qui chantent. Ils sont regroupés. Est-ce qu'on sait quelque chose de la fonction de ce chant? Oui, ça, ces chants, quand c'est les mâles qui chantent, c'est les chants de reproduction. Ça sert surtout à appeler les femelles qui viennent seulement à la mare quand ils sont prêts à pondre. C'est-à-dire que les mâles, ils vont parfois chanter plusieurs heures, plusieurs nuits, mais les femelles, elles vont venir seulement quand elles sont prêtes à pondre, parce qu'une femelle qui se montre, elle va tout de suite avoir un amoureux sur le dos, et si elle n'est pas prête à pondre, elle évite. Est-ce qu'il peut y avoir aussi quelque chose pour se protéger par le son par l'émission sonore des prédateurs? Il y a les sons aussi qui sont certains cris ou quoi qu'ils font quand ils sont pris par des prédateurs et ça alarme souvent les autres autour. Mais ils sont différents, c'est pas les mêmes sons, c'est d'autres releases qu'on relâche, des sons de relâche. Ça veut dire attention, il y a quelque chose de dangereux. Vous voyez, c'est pas les, tout à fait les mêmes sons. C'est plus haut. Oui. Et puis, il y a aussi les petits crocs. Ces deux font partie. Parfois, il y a ces petits crocs et sinon, il y a ces hauts, ce son haut. Il a une deuxième. C'est une autre phase dans le son. Souvent, il y a les sortes de sons qui sont un peu préparatoires ou introductifs. Et quand elle s'élance, elle garde, après, elle répète un son. Et on mesure pour les études la durée des sons, mais aussi la durée des pauses entre les sons. Cette grenouille, elle aurait deux systèmes pour générer le son, peut-être? Non, enfin, les grenouilles, c'est exactement comme nous. Ils ont des cordes vocales et ils ont des sacs vocaux. Ça, c'est une bonne chose. Et on connaît les sacs vocaux des grenouilles, se versent sur les côtés, où il y a les sacs vocaux uniques. Et les grenouilles ne sont pas des diaphragmes, ça veut dire qu'ils gonflent tout leur ventre, et les poumons se gonflent tout le ventre. Et les productions des sons, c'est un aller-retour entre le sac vocal et les ventres, enfin les poumons. Et quand ils font une série de sons, ils ne prennent pas de nouvelles d'air, c'est juste un aller-retour entre les deux. En tout cas, en Afrique, des animaux nocturnes. Et comment ça passe une nuit pour un amphibien? On sait peu de choses, mais on les trouve, par exemple, sous des pierres, sous des bois, enfin, quelque part où c'est humide, ou sinon, on les voit que dans la nuit, ils sont là, ils se promènent, et on tombe dessus par hasard. Au bout de 4-5 jours, je commençais un petit peu à désespérer parce que la savane était sèche. Tout était sec, c'était vraiment le Sahel. C'était herbe rase, les ruminants commençaient à s'éloigner, à partir parce que il n'y avait plus d'herbe. Et puis, au bout de 5 jours, là, une après-midi, le ciel s'est assombri, mais couleur de plomb, on sentait que tout allait se déchaîner, que la nature allait vraiment s'énerver. Et au loin a commencé à arriver un bombardement, un vrai bombardement. Ça n'arrêtait pas, ça roulait. Et j'ai vu la vague arriver comme ça. Et puis après, ça a été toute la nuit. Donc déjà, l'orage a roulé. Puis il s'est mis à pleuvoir. Et le lendemain, incroyable, la savane qui était toute grillée, toute sèche, a commencé à verdir très très vite, ça c'est étonnant. Des fossés qui étaient vides, mais totalement vides, ont commencé à se remplir d'eau et à s'écouler en petites rivières. Les hippopoules qui étaient à sec, où il y avait 50 hippopotames qui se regroupaient les uns sur les autres, d'un seul coup, pouf, l'eau est montée de 4 mètres, et donc ils ont pu reprendre leur place dans la rivière. Et puis, ça a tout transformé l'ambiance sonore, notamment de la nuit. Ça roule, voilà. Alors ça, c'est des sons assez typiques de plaine, c'est-à-dire que l'orage roule, il avance. En montagne, il va craquer, il va exploser et très vite disparaître. Alors que là, ça roule, ça passe, ça s'éloigne, ça va dans le paysage. Le lendemain, alors là, c'est l'explosion sonore. Hein. Donc voilà le résultat de l'orage. C'est-à-dire que dès le lendemain, alors que depuis 4 soirées, Vainement, j'essayais d'enregistrer un petit insecte dans un coin, j'avais beaucoup de mal. Miracle, le miracle de la pluie. J'ai posé mes micros, on est parti, on est revenu 2 heures après, et là, c'était incroyable. Là, ça dure 5 minutes, mais ça a évolué comme ça pendant 2 heures. On peut l'écouter, alors comme une musique répétitive. Hein, y a des artistes qui font des musiques comme ça en continu, qui changent régulièrement une note, deux notes, et on s'en aperçoit à peine, mais ça change quand même. Et on est un peu avec ce genre de chorus, de chœur de batracien, dans ce domaine, dans cette forme en fait musicale. Et on a même un lion derrière, de très loin. En étant en présentiel, c'est impossible de voir ça. C'est presque impossible. Parce que les animaux se méfient, ils voient. Il y a tellement de dangers dans la savane, il y a tellement de prédateurs, de rapaces, de mangoustes, de cervales, qui se nourrissent de tous ces animaux-là, qui sont d'une hyper méfiance. Alors qu'on pose les micros, qu'on s'en va, rien ne bouge, au bout d'un quart d'heure, tout se remet en place, et là, c'est fabuleux. Il y a quelqu'un qui tape sur un xylophone, là, tac, tac, tac, tac, tac, tac. On est comme dans un concert. Dans un concert, vous avez les altos, vous avez les violons, vous avez la contrebasse, vous avez les percussions, tout ça. Et chacun est à sa place et ça se perçoit parfaitement dans le mouvement musical. Et là, c'est pareil. On sent que chaque espèce est à sa place sans gêner l'autre. Et du coup, ça devient très beau à l'écoute. Et pourtant, c'est pas de la musique. Oh, j'ai l'impression déjà que c'est un point d'eau étendu. C'est pas un tout petit point d'eau, parce qu'il y a du monde. Hein. Oui, ça c'est typiquement le son qu'on peut entendre de nuit. Bon, tout ce qui est grillons, criquets, sauterelles, bon là on les entend. De là à les distinguer, à distinguer les différentes espèces, c'est pas forcément évident. Il y a des insectes qui sont, on va dire, silencieux pour nos oreilles. Mais qui sont bel et bien présents, et notamment des insectes qui aussi aiment bien les zones humides. Et parmi ces insectes, on rencontre ce que l'on appelle les papillons de nuit, les lépidoptères. Donc parmi les lépidoptères, c'est l'ordre des papillons, hein. On parle de lépidoptères, en général, il y a des papillons de jour, mais il existe également des papillons de nuit, où ils opèrent leur processus de reproduction, d'accouplement et de reproduction. Dans la majorité des cas, ce sont des femelles qui émettent des odeurs pour attirer les mâles pour s'accoupler ensuite. Paul-André Calataillude, entomologiste. Il faut qu'il y ait une certaine humidité pour faciliter la diffusion des odeurs et surtout faciliter l'émission de ces odeurs. Ensuite, les mâles, grâce aux antennes qui sont souvent, les mâles ont des antennes pectinées, c'est-à-dire comme en forme de peigne pour pouvoir capturer le maximum d'informations. Ces mâles d'ailleurs sont très très sensibles, hein, à d'infimes quantités émises dans l'air de phéromones. Ils arrivent à détecter à plus de 5 km, hein, même j'ai vu dans le cadre de l'espèce qui m'intéresse, que j'ai particulièrement étudié, qui s'appelle Buceola fusca, nous avons pu mettre en évidence des distances de détection de phéromones à plus de 5 km, hein, par les mâles. La particularité de les femelles de ces papillons de nuit sont capables de pondre ou préfèrent pondre les œufs entre la gaine foliaire d'une graminée et la tige, pour pouvoir cacher les œufs entre la gaine foliaire et la tige. Pour éviter les prédateurs, pour éviter les stress environnementaux et autres. Donc, Elles ont un appareil, je dirais, de ponte, un organe de ponte adapté pour pouvoir pousser la gaine foliaire et insérer les œufs entre la gaine foliaire et la tige. Ben, une fois qu'elles ont pondu, eh ben, elles ont fait leur rôle, leur job, et donc elles meurent. Hein. Il faut savoir que les adultes, que ce soit les mâles comme les femelles, maximum ont une durée de vie de 4 jours, 4-5 jours. Donc il faut être très rapide, à la fois pour rencontrer son partenaire sexuel pour pouvoir s'assurer à la reproduction, et à la fois trouver la bonne plante pour pouvoir assurer le développement de ses progénitures. Cette famille, on va dire, de papillons, c'est de pouvoir d'être capable de s'assurer que la plante que l'on a choisie pour y pondre va permettre le développement de ses progénitures. Alors pourquoi elles sont ravageurs? Pourquoi? Parce que quand ils attaquent les champs de maïs, par exemple, on note une forte diminution du rendement, rendement du maïs, quoi. Enfin, les collectes sont réduites drastiquement, quoi. On parle d'insectes phytophages, mais aussi il y a tout un cortège d'insectes qui sont associés à ces insectes phytophages. Et tout l'ensemble permet de maintenir les agro-écosystèmes dans un état, je dirais, correct pour le maintien de la biodiversité, pour le maintien de la bonne qualité des sols, et puis aussi de la capacité à retenir les eaux de pluie ou pas. Nous sommes maintenant la dernière nuit. Alors c'est très émouvant parce que le travail est réalisé. C'est-à-dire que déjà depuis 2 jours, je sais que j'ai tout dans la boîte, que j'ai des choses extraordinaires que je ne m'attendais même pas à avoir. Des insectes, des batraciens dont je désespérais les 5 premiers jours, ils sont dans la boîte. Donc je dirais que c'est un peu détente le dernier soir. Et comme souvent d'ailleurs, quand dans ces moments-là, je pose toujours mes microphones parce que je profite jusqu'à la dernière minute en fait de la captation. Il se passe d'autres choses généralement parce que je ne sais pas si c'est mon comportement qui fait ça, ou alors je place peut-être mes micros d'une façon différente au bout de 10 jours, hein, autour de la tente, je commence à savoir où sont les animaux. Et le dernier soir, c'est un peu un retour un peu en arrière sur tous les moments du voyage, et j'essaye de recollecter un peu des sons. Et là, il y a la dernière prise de son de cette nuit-là. Ah, c'est des petites grenouilles, hein, des grenouilles peintes. Et puis on entend les hyènes derrière. Alors j'aurais aimé le contraire dans ce cas-là. C'est-à-dire que les hyènes devant et puis les batraciens derrière. Mais écoutez le rythme. Ah. Voilà, le silence fait partie de la pièce sonore. Même si ce n'est pas du silence, hein, il y a beaucoup de subtilité. Il n'y a pas une nuit pareille. Je n'ai pas vécu une seule nuit similaire. C'est-à-dire que les événements ont fait que une nuit c'était plutôt le buffle qui était là à brouter, une autre nuit ça va être l'éléphant qui passait dans le bois, l'autre nuit ça a été les hippopotames, après ça a été le festival de batraciens, et sur la fin les insectes se sont réveillés. Écoutez cet insecte qui démarre doucement. Voilà, donc doucement, la nuit va s'étaler comme ça, au rythme de ces petites rainettes, des hyènes qui hurlent au loin, et des insectes qui nappent la savane de leur rythme. Tout est langage pour moi, mais tout est information, et tout m'indique en fait des présences partout en fait. Il est 5h du matin, je suis dans l'affût. Ça fait un petit moment maintenant que les gros animaux ont cessé de passer devant la mare. Voilà, on attend le lever du jour tranquillement. Et puis véritablement, enfin au Kenya, ce qui m'a frappé, c'est que c'est les oiseaux qui annoncent que la nuit est finie et qu'on est passé à la journée. Et ça arrive de manière assez... assez abrupte, puisque un oiseau se met à chanter et d'un coup toute la savane se met en marche, en ordre de marche, et se met à chanter. Et là ça y est, la nuit est finie, tout le monde se réveille. Alors, c'est comme si au moment où le premier oiseau chante, on changeait de station de radio par exemple et qu'on passait d'une ambiance à une autre ambiance. Enfin, c'est comme ça que j'ai vécu, moi, en tout cas. J'avais l'impression de changer de canal et hop. Autour d'une mare au Kenya. Un documentaire d'Aline Pénito. Avec Damien Perrolaz, Fernand de Roussen, Anne-Marie Holler, Géraldine Véron, Paul-André Calatayud, Aude Lalys. Prise de son, Damien Perrolaz, Fernand de Roussen, Anne-Marie Holler. Mixage, Manu Couturier. Merci au Muséum d'Histoire Naturelle, Sansori Odyssée et Mardi 8. La série documentaire, attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier, coordination, Perrine Kervran.